nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Vous êtes bien sur RKB pour Hunter Brezonek avec Anne et Henri. On est rendu à l'émission 412, Perrandauzek. Quel mot on voit aujourd'hui, Henri? Alors aujourd'hui, c'est un verbe que j'aime bien, qui est dérivé d'un adjectif qu'on n'emploie pas souvent, en tout cas par ici, qui signifie venteur et qui est pouf. Alors le verbe, c'est poufal. Le mot et le verbe, c'est une racine qui a été empruntée au français, qui est au français bouffer, au sens de souffler, quoi. C'est pas au sens de manger, qu'on retrouve dans certains dialectes de Languedoc, hein. Par exemple, en Berrichon, on trouve ce bouffer pour souffler dans quelque chose. Il y avait une chanson dans le Berry sur un cornemuseux qui avait hérité d'une musette, c'est-à-dire une cornemuse, et qui disait « Il m'a laissé en testament sa musette pour bouffer dedans, landou ». Alors, il y a des gens qui comprenaient que c'était une musette pour le casse-croûte. Ah, oui, oui. Ça n'a rien à voir, hein. En fait, c'est de la cornemuse. Mm. Hein, et bouffer, c'est souffler dans la... D'ailleurs, on trouve ça... On trouve la bouffarde aussi, hein, la pipe. Hein, voilà. Une bouffée de chaleur, enfin bon, ça est tout ce qui concerne le vent comme ça. Et donc, bouffer pour souffler. Alors là, c'est un peu, il y a toujours cette idée, le vent est toujours associé à la vantardise. Hein. Mm-hmm. À la vantardise ou bien même à quelque chose qui n'est pas très sérieux. Par exemple, brasser du vent, hein, tout ça c'est du vent, tout ça c'est du pipeau. Hein. Mm-hmm. Donc là aussi, on souffle dans un instrument. Alors en breton... On dit le verbe poufal, hein, qui veut dire se vanter, hein, dire des vantardises, hein, voilà. Alors c'est dérivé de pouf, et il y a un suffixe al qui est souvent utilisé pour désigner des verbes d'action comme ça. Hein. Mmh. Donc pour faire un verbe, une terminaison qui permet à partir d'un nom de faire un verbe. En gallo, on retrouve aussi cette expression. Je me souviens avoir entendu dire un poucher de vent, une poucher de vent pour un vantard comme ça, quoi. Quelqu'un qui souffle beaucoup, voilà. Donc, un brasseur de vent, voilà. Alors donc, le vantard, c'est pouffer, hein. J'ai souvent entendu ça, hein, dans la conversation, so pouffer, hein. Ça, c'est un vantard, quoi, hein. Et il y a donc la vantardise qui va se dire pouffer, hein. Voilà. Alors, alors j'ai dit pouffer le vantard. Donc, au pluriel, c'est poufferien. Mm-hmm. Et comme c'est un nom de personne dont le pluriel ne se termine pas en ou, il y a une mutation après l'article. Hein, on dit or poufferien. Mm-hmm. Donc, on retombe sur le mot, sur la racine d'origine. Voilà. Il y a d'autres verbes, hein, qui désignent ça. Par exemple, fougéal. Hein. Fougéal, c'est se vanter aussi. Hein. Alors, on entend souvent dire, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps encore sur la radio, « n'est que vide fougéal ». C'est une précaution oratoire pour dire « c'est pas pour me vanter, mais ». Et d'ailleurs, en général, c'est exactement ce qui se passe. Hein. Donc, c'est vraiment une précaution oratoire. Hein. C'est pas pour me vanter. On pourrait dire aussi « n'est que vide poufal, mais ». Et puis, bien sûr, on dit... On souligne ce qu'on a fait, quoi. Et voilà. Et il y a aussi un mot qui est fougueireur, hein, qui est l'équivalent de pouffer. Hein. Fougueireur, vantard. Alors il y a une autre notion qui est l'or, hein. L'orso enon, qui est la fierté, mm-hmm. hein, qui est un sentiment un peu plus légitime. La fierté, c'est de la vantardise plus légitime. Alors, il y a le célèbre bouquin « Marlor, hein, » de Pierre-Jacques Zélias, hein, qui était paru en 75, « Le cheval d'orgueil hein. ». Et puis, alors, il y a aussi une expression qu'on utilise pas mal par ici, c'est « débimel ». « Débimel », on dit « débimel », c'est-à-dire « manger du miel ». C'est-à-dire, soit du miel qu'on se donne à soi-même, soit du miel que d'autres vous donnent. Et quand on va dire « reinmel dans le menek », donc donner du miel, c'est le louer, le vanter, le flatter même à la rigueur, quoi.

troisième partie d'émission, Petra zone vier vroeri. Ben, calze draou zone vier vro, boer vej diouzon, krogom de diantan, ma peswan, evel kis akustum, gant ala bourdouar, hag vu e war armez. Eruon bremañ ba kreiz e gouan, betak bremañ ne ke bet rester de gouan, ne ke bet reiñ, bon dour zo bet, hein, dour braz, hein, l'air, même ce, l'air yo zo, hag avel grein, met bet a bremañ neus ke bet, ne ke bet reiñ en amzor. Mais evel juz ne ke tram de roas, hein, ur gouan, plus dur pevek a tram, pevek a tramen de ur miz huir, vek a moyen de l'art, pe sa mod e bet a gouan. Comme je vais à l'ise de, en marrément de ce laisse, plus dur, bénéfine, laisse au bruit, de l'arbre d'ouar, un dreistol, braisam, ag, pessoroise, babla, de, babla de zone, passe bab, persec, me babla, pemse, que vous échut, grand de hotayou, dit, dit, vous en de smith meurs, d'auville pemse, ne vaut que cotayoutine. A setu kalze dud zo klask pe sa mod ober evit tram en draze, pe sa mod vo kont, den bet ne war res kler pe sa mod vo kont. Bon, kom ze ve kalz de se, bon ba bla daou vil triz ge bet proboar en trao vid de lez, pris so chom ben madoar, med aze vo ke ve ke gwar ad gwal ger pe sa mod vo kont pe vo echu gant hotayo. Hendel, bon, boue bla d'auville et digresque de niver en zout lèse, même un mestra, ne ce que bé digresque war lèse, ma peçoine. Chomezo, lèse bopet. C'est plus dur, zout produit un mur lèse, hein, vide bla d'auville. Bon. Hag, bon, ba, braise, même mestra, zo chome de, tient en rendre vros au breil brohal pelarimon brovrance vie de l'aise hein plus dur spenugen dragon de zelais les produits dans me ag bon pv comme de l'aise de zelais was war a bit so is en l'aise hein plus dur vie de dut vie de vugal vie morgan dut ag da square ba brochina man classe que l'aise plus dur non que de l'aise war petramon n'est que madoir à l'aise, mais produit de Brochina, ou bien, trous, ou bien, comme je disais. Ah, c'est-tu, vraiment, bonne lance de, ou à lance de voir un ton de bras, un DL, une usine, stall l'aise, bah, caresse. Grand très, très sodial, à sinutra, que, assez vos cassettes, on tombe mal de ce l'aise, produit de braise, vos cassettes, de babig ou Brochina. Bon, gwelet vo, hein, pe sa mod vo kont gant ze, met zur zo ez am lez war a bet. Hendel, neus ket gwel bel zo, zo bet komzet eus eus lezen vid dazon de la bourdouar, zo bet tramet ba gammen deputet, met ba media yo neus ket bet komzet kalz de ze, vi jonge a din, vi je bet komzet kalz de ze, Mais de bénéfine, bon, ne ce que bé de calze drouze warzi, hag, ba guiré oa, médiaille oa occupe de ba marise gant traouel, hein, gant traouker, un autre président d'un traoudis, quoi. Ah, c'est tu, bon, ne ce que bé comme ce calze si. Hag ou scouté, potiez ministre, l'arbre douar, Stéphane Hervol, ne ce poignette, vie de zével lesen, hag, Villa qu'a de Casoirog un agroécologiste de la de l'art des de l'art qu'un trou de glotte à très écologiste à gagner économiste mais de bonne quidé balomar et val vite quand bruderes puis yo watro elle ma treizaine on débenec vos combes un mur de zé et d'elle voir politique RS autant votre trou de l'art de ce que Wal Belzo mis chien var aze wa velid de Hunter Kahn la NUDB, ma trez un peu sklet de mon abraz au comte de se gant Jean-Pierre, hein. Puis yo Hunter Kahn la so a bekro et de NUDB. Hag bon, vraiment zo ne betud de ze NUDB a zo bet dilen, da, vel mon abraz, justement. Hag peso, ma trez un de ske bet kalz du dilen de ze NUDB, mais menosium me sera zo tramenet, hein, gant par Stroladwell. Bon Hendel, pe ve komz eus politiker, eus evel just, tost a ra votadeg vid parouzio, peogwir vo gretze ba mizmeurs, en tri warnug an deus mizmeurs, hag un tregont deus mizmeurs, oa l'air, ma vid ar red, non ket ramne d'ar ve chantan, hag bon ve kle komz kaz de se, ur mar eman. On ne bat mer, changement de vous, un peu dur, zo ne bat mer, ou un inque honte de tin, ou un rank, d'ascouir, vro, en mezo, locarne, plijdi, purud, duet, buat, hein, zira, on ne bat mat de mer, ou même stra, zo, honte cuit, pe, chomba hon, sa, me, hep boumer, c'est tu vo mer, ou neve, pen ou neve, de velet, hag gwell vo pesamod vo kon. Un DL, moi comme je tar evel juste de Pierre Jacques Elias, kleven meus vo gred o lever neve oas, war Jacques Elias prestik, hag nan le lever zeus o Pierre Jacques Elias be a jour. Hag meus an vo in bandet gant em Globreiz. Bon. Del ran mon tamm nahen war dachen zevenad ur pudur. Kal se draou ve in bandet, hein. Kal zi war ove je mis ve in bandet an dra beneket war identité les Breiz. Hag zi e zisk pe sa mod me meustra e strafuye de vretonet o velet pe sa... Pe sa mod ve kase fal un trou, vid a yez, hag vid a zevenadur, hein. Hag bon kase vreton eus o storm vid ze, met a bremañ e chom di efe du zoar storm ze. Da skouer neus ket gwall bel zo, zo bet im bann eus o lever gant Yann Vikel le boulanger, zo eil prezident ran vo Breiz, un kark deus a zevenadur. Hag lever ze, zo skrivet in galak, zo, etre breton, gant pik, goulen ma peswan, etre breton, hein, ouais. On tamm vel ni oa gred Morvan Lebesk, hein, peni oa skrivet di lever, hein, comment peut-on être breton? Zezo, spen de hugen lasso, mais bene fin, et mameus trou ve rat gravet, hein, de hugen, ouais, là oa l'air. Hag bon, notre ou le boulanger, bon, nez responte de Hervé Pese Jonge, hag nez imbande de Leverze ban imbande adurio palatine, coustera 3 euros warnug en lever. Hag caradine et leveraz zo mat de l'aine. Bon, et Hendel, Hendel zo bet din bannet kalz leverio, hein, donc vi komz de set out ka re hir ve fe ben beront. Un DL, moi komz tar deus whisky Breiz, pe dur bromen ve gret whisky Breiz, hag zo strolad non lak at samblez, vid ur bruderez vid whisky Breiz. Hein. Bon, bet a bromen vi je gret muor lambic vig de whisky Breiz, mais ma trezen bromen vos ged muor tamm a tamm muor whisky. Bon, comme je vais à Lise, bon témoin comme de Scarré, là, comme je vais à Lise de Scarré cause, hein, vigégrès de Borgium, hag Hervé Meusclevet, vos grès, à Meusgueledouard, gazetez-nous, zo ur rak 13 evit ober ur greizen evit dizoloin pe sa mod oa tier vorgium gwezhel goz. Hag bon ze vefe be mod vid tud ur vro an ahan vid rezo deus l'er hel de zizoloin ur vro, hein, pez ve get turist de se. Hein. Gwal bich ketin an aon ze turist, me disem vel a bo pet. Pe sa mod l'ar fendar oaz neus ket gwall bel zo, oa bet lid de war un ton braz kan hantor kan la Pont de Bras au bas Montourles. Hag hez oa viadub Montourles, oa begret pe oa begret. Nen touard vi mont de Paris de Vreiz. Ha setu oa bet lid de oa rentant de Bras, un de a blaz. Un de oa l'air oa bet d'ur bas, ba Montourles, me zezo o gondel. Hag lid de bedive un de a bla el e mamez noat kan a rentar kan vla. Vid un tour tant ar c'her, hein. War eus eusa. N'eus ket gwall belzo, meus zo bid klaskerien hag un eus hat gred poltre de Robespierre. Mas rezen peu gwell eus eo ar gazeten. A setu, peogwir oa bet gred ar maskle deus pen Robespierre, pe oa bet troc'h di pen Robespierre. Hag zem eus jonge de komz deus Robespierre, peogwir Aliz me mam goz l'ar e deus an den, pe vije an den an iwa lezen bet, hez neus lezen bet me lezen Robespierre. Hag ansi jo a chom Robespierre, hag ar gant aouen meus be kled kan oa vije kom zet deus Bonaparte a Robespierre. Bonaparte a Robespierre a rezo a Gualder. Bonaparte a Robespierre neus ge kalz e vizeur. Hag gwell a red bon an din iwa jonget ba Robespierre a Bonaparte, hein, vel tu de bon a niwaget kal se viz ar den dut. Hervé pez vejon, jet de Robespierre neus belar de pas en igen, me urs de l'ar o tut, war dro kant mil dut, a gansi wa me mestra neus gret kal se viz ar de gal se dut, quoi. Me benefin, e aig gant an vel niwaget de reel, hein. E bet tramnet war a guillotine, dis a hai a liz. Nan eo in plij a ur binjveg a benefin, ve tap gant ur binjveg ze. Bon, setu me bret on tam tro war peso neve ur vro. A ben vegel vola a vas. Trugare eri.